Merci à tous. Car si notre parti du milieu gauche, dernière porte à droite, existe, c'est grâce à vous, mes chers concitoyens. Ah, mais comment les gens peuvent-ils se laisser insulter de la sorte? C'est scandaleux. Je vous ai convaincu. Ah, mais enfin, nous ne sommes ni des cons de citoyens, ni des convaincus. Très bien, je me tais, mais je suis désolé, ce type dit n'importe quoi. Et vous, au premier rang? Qui ça, moi? Non, le voisin. Ah bah, tout va bien, alors. Mais oui, vous, le maigrelet moustachu à chemise hawaïenne. Non, mais vous êtes stupide ou quoi? Vous m'avez dit que c'était le voisin. Ah, laissez tomber. Mais je ne peux pas tomber plus bas, je suis déjà sur le sol. Monsieur. Quoi encore? On ne vous a pas sonné, que je sache. Ah non, ça ne risque pas. Je n'allume jamais mon téléphone portable lors de ce genre de manifestation politique. Non, mais vous allez la fermer. Oups, vous avez raison, excusez-moi. Oh, c'est pas vrai. Mais bien sûr que si, regardez, je peux vous le refaire. Arrêtez ou je... Jamais 203. Bon, écoutez, jetez-moi ce débile dehors parce que là, c'est vraiment plus possible. Ah, si vous voulez me jeter dehors, c'est parce que vous ne savez pas le faire, jaloux. Ah bon, et vous, est-ce que vous savez faire ça? Ah non, mais par contre, je sais faire ça. Yo, oui, mais ça va, yo, ça va, merci yo. Monsieur. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais continuer mon discours. Ah, mais comment fait-il pour savoir que nous serons constipés dans 10 jours? Mais c'est incroyable. Mais un député n'est pas devin, que je bon, sache. Bon, très bien. Mes chers amis, nous allons devoir suspendre ce meeting et le reporter ultérieurement. Bon, très bien, on va régler le compte maintenant. Venez ici. Non, non, mais ne vous emportez pas. Ah, vous faites moi le malin tout à coup. Non, merci, je ne veux pas de câlin. Attends, je vais te montrer, moi.